Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Quand les affranchis arrivaient, Teddy me jetait leurs clés et ils me laissaient garer leur caddie. Laisse-moi j'aller bien, gros. Laisse-moi j'aller bien, gros. Laisse-moi j'aller bien, gros. Laisse-moi j'aller bien, gros. Tête de mort dans le bolide allemand. On lâche que des couplets qui mitraillent trop. Check les sous pour la gueule, gros. Allez, check les sous pour la gueule, gros. Faut ramener un petit bal si on veut baiser, pas besoin de la guédra. Là, c'est bouillant, c'est qui opère. Moi, la violence dans tous les rapports. Bébé, y'a pas de conso offerte. Nous, on est là pour les plans qui rapportent. Ça fait vram, vram, je suis à l'aise. Comme un matin qu'on pète en foiré. Sans la garde, si j'ai la bouteille. Si ça se trouve même plus les plans qui ont foiré. Tu voulais quoi, du sale ou pas? Chier, et ça sent la peufrate ou pas? J'aime les gros billets, violets, ou pas. Sale, on a dû rentrer beaucoup trop tard. Tu sais quand j'ai un lop, ça. Boule à zéro dégradé au lot. C'était hier, j'arrive à l'eau, ça. T'inquiète, je suis venu avec la bonne. Tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça? Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est quoi, wesh, rêve? On a un nouvel monde! Voilà, ça vous y va le monde. J'aime quand ça redémarre fort. La cité en 4-5 ans. Oui, tu sais bien qu'on a le mort. Ton fait conquêter à 4-5 blancs. Que la présence comme Messi. Si, si, t'as bien reçu le missile. Easy, je rappelle comme en Sicile. Oui, oui, regarde le flow ici. Si, si, bim, on redémarre, t'inquiète pas. Nous, il nous faut un paquet de bif. Oui, les jurons s'arrêtent pas. Je me déclenche, j'arrête ici. Da, le plein dans la gaufre. Me da, pour compter la chose. Le ça, tu vis sur la tour. Tu sais qu'on se défend seulement pour la cause. Bang, bang, on a gilet la monnaie, parti vite comme la police. C'est dingue, dingue, j'en ai killé sur le terrain. Je suis attaquant comme Gomis. Tu veux la Ferrari F458, du pilon de la moula 22. Si y'a la bussure, on va prendre vite. Pour l'instant, c'est le micro qui prend feu. Brrr, virgule, petit bon hélico. Broly, GPS, on y go. Bâtiment, que trop, on est trop. Perquise, pas de bol, là c'est chaud. Quoi de neuf, aucune comparaison. Technique, j'suis comme à la maison. Bah oui, j'ai flow qui paraît sombre. Vrai but, flow, ça j'avais raison. TMAL, t'es rompé caliente. Les gens me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. Le patron savait avec qui j'étais et ils faisaient le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Vous savez pourquoi? Par respect.